7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà la planète, bonjour et bon réveil, en espérant que vous avez passé une agréable nuit. Coucou Edouard qui est déjà connecté sur le réseau de la radio. Salut Francky, bonne journée, t'es tout pile à l'heure. Bah ouais, j'ai posé une photo sur Facebook, c'est pour ça. Ouais, j'arrive quand même de bonne heure. Ouais, pour être là avec vous à 7h. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Côté météo, c'est plutôt pas mal ce matin. Le ciel va être couvert au début de matinée. Mais le soleil devrait faire son apparition toute cet après-midi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon réveil, bonne journée. Il est 7h sur la radio couleur. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, c'est où nous joindre. On commence très fort avec Kevin Kilvé, tu réalises. La bouée. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi on rivalise? Que l'on officialise, toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi on rivalise? Que l'on officialise, toi et moi. Tu Qu'est-ce que je ressens depuis des mois? Allez, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi on rivalise? Que l'on officialise, toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi on rivalise? Votre réveil matin, c'est Francky. We'll be right back. spécial Le Meilleur des Réveils avec des grosses nouveautés pour vous le matin et le tout nouveau Axel Tony, t'as capté, c'est sur la radio couleur. Belle journée. Je sais pas si t'as capté, mais j'ai capté, ouais, t'as capté, yeah. Je sais pas si t'as capté, mais j'ai câblé sur toi, t'as capté, yeah. On cherche, on s'attise, rien qu'on s'analyse. Puis t'as fait la maline, j'ai pas calculé tes dièses, dièses, dièses. Concentré sur mes bye, bye, bye. Par SMS, j't'ai dit bye, bye, bye. Tu sais que ça t'a rendu dingue. Je sais que ça t'a rendu dingue de moi. J'essaie de t'oublier mais j'essaie trop souvent. T'es dans les bras d'une autre, je me rappelle seulement que c'est toi que je veux, mais je sais qu'on se ment. C'est qu'on se ment, c'est qu'on se ment. J'essaie de t'oublier mais j'essaie trop souvent. T'es dans les bras d'une autre, je me rappelle seulement que c'est toi que je veux, mais je sais qu'on se ment. C'est qu'on se ment, c'est qu'on se ment. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai capté, ouais, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai câblé sur toi, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai capté, ouais, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai câblé sur toi, t'as capté, yeah. T'as capté. Je commence à faire des crises, mais je garde la maîtrise. Je joue avec tes nerfs, j'aime ça quand tu te vénères. Je lui ai dit j'ai pas le time, time, time. Les embrouilles c'est pas ma cam, cam, cam. J'ai juste échangé les rôles. Cette fois c'est moi qui t'ai rendu folle, oh. J'essaie de t'oublier mais j'essaie trop souvent. C'est dans les bras d'une autre, je me rappelle seulement que c'est toi que je veux, mais je sais qu'on se ment. C'est qu'on se ment, c'est qu'on se ment. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai capté, ouais, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai câblé sur toi, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai capté, ouais, t'as capté, yeah. J'sais pas si t'as capté, mais j'ai câblé sur toi, t'as capté, yeah. T'as capté. Je sais pas si t'as capté. Bah t'as capté ou pas, Axel Tony. J'adore les clips comme ça. Il y a toujours des belles gonzesses avec des verres de champagne à la main autour d'une piscine. Hein, je sais pas pourquoi ils choisissent une piscine. Ouais, c'est pas mal. Et justement, postez vos photos là sur le Facebook. Katia qui nous a mis une belle photo. Elle écoute la radio arc-en-ciel 96.2 FM. Elle est en voiture. Ouais, elle nous a posté une belle photo, une belle voiture, et une belle radio aussi. On va être avec vous jusqu'à 9h. Et Stéphanie Bier qui sera là tout à l'heure, notre chroniqueuse pour les chroniques du jour en direct. Et puis le meilleur des souvenirs. Ah là là, on adore l'ex-membre du groupe Téléphone, Louis Bertignac, avec ses idées-là. Belle journée, bon réveil, bon dia à la famille et bon dia à la planète. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en malheur avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures et des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. Faut pas me laisser traîner là. Un doute en moi s'est figé. Oh, tu ne vas plus rentrer. Je peux faire une croix sur toi. Oh, comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras. Comment ne pas crier. à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, bon, c'est 7h21, bientôt le meilleur des souvenirs dans les années 80. Ouais, ouais, fin 70 même, 78, avec Gimme, Gimme, Gimme, c'est le groupe. Ah bah, on est heureux d'être avec vous, on est heureux, ouais, on est heureux. Et c'est dur le réveil le matin. Coucou à Estelle qui est connectée du côté d'Olivier, merci Francky d'être là. Quel souvenir, ah bah, ouais. Et puis aussi, on passe un petit coucou du côté de Blois, on nous écoute, ça fait plaisir. À Catherine qui est là, salut Catherine, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous allez bosser le matin. Aujourd'hui, il va faire beau, jusqu'à 23 degrés. soleil. Un peu couvert, mais vous allez voir, c'est un problème de soleil promis. Sur une fille qu'on adore, elle s'appelle Darina Victory. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Voici Laisse-moi t'aimer. C'est sur la radio couleur. Belle journée. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Non pas dit gocaté, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer. Exprimer mon amour, je vais juste aimer, t'aimer. On l'adore à la radio, elle s'appelle Darina Victory. Laisse-moi t'aimer sur la radio couleur. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est franc. On est là pour vous réveiller. Bandia la planète, salut à Estelle qui est connectée du côté d'Olivier. Salut à Pascal aussi qui est là. Merci Katia qui est là. Merci Catherine de Blois. On est heureux de vous retrouver. C'est le week-end qui arrive et c'est le week-end. On pense à la mucoviscidose. Normalement, ça va se passer un peu partout en France. Je sais pas si à Cheville il y en a cette année. On va se renseigner. On va essayer d'appeler le responsable pour voir si à Cheville il y a un week-end spécial mucoviscidose. C'est une maladie qui touche énormément de personnes en France. Et justement, vous avez toutes les infos sur muco.fr. Voir si près de Cheville justement il y a un week-end. Si vous allez pouvoir faire des dons et les aider. Ouais, il faut aider toutes ces personnes. On est heureux de vous retrouver tranquille dans la radio avec du son soleil pour bien vous sortir du lit ou dans la voiture peut-être direct sur le boulot aujourd'hui. Courage, dans quelques heures ça y est, c'est le week-end comme disait Laurie, cherchez le nom. Je sais même pas si elle chante encore la pauvre. Voici Didi Assad, à la Ravanicio, mais à toute la famille, Willy Williams. Ça, c'est l'île de la Réunion, avec l'île tournée, c'était en 2013. 8 ans déjà, ça passe, hein. Belle journée, Bandia la planète, et puis Tony Carrera qui arrive, parce qu'il sera aux Zénith avec la radio arc-en-ciel. Il arrive, Tony Carrera. C'est comme ça le matin que ça se passe, avec du son, l'île de la Réunion. Vos messages sur Facebook, Polo Mendes, qui est la bandit à les démons de minuit pour se réveiller, c'est bon, Francky. Polo Ribeiro qui est là, salut Francky, belle journée, merci. Jimmy Sugar, bonjour, Bubu, hello Francky, Christelle, bandit et Katia, jolie casquette, bah normal, c'est ma chérie qui me l'a acheté, bah ouais, la plus belle casquette du monde. Heureux d'être là avec Mamacita, Black Eyed Peas. On aura le Dungeon qui arrive, le remix de Cold Hearts. Bon réveil. Mamacita, Mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigos que le hacen. así también me gusta. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. Hey. Alright, okay, I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. You wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. Alright, okay. Alright, ok, Black Rapids avec Mamacita. Et courage à vous. Et Doudou, Doudou qui est à Orléans. Salut Francky. Je te souhaite un bon réveil. Merci pour les Black Rapids. Tristan qui est là aussi. Puis notre Monsieur Lemoine. Eh, Monsieur Lemoine du côté de Saran. Et puis le Festival de Loire qui a fait fort hier. Hein, 35 000 personnes déjà pour l'ouverture. Je vous rappelle que la jauge est limitée à 50 000. Bon, ça va. Hein, avec le pass obligatoire. Il y en a qui souffrent plus que ça, je vous le garantis. En tout cas, faut pas oublier les autres à côté. Hein, il n'y a pas que le Festival de Loire. Bah oui, il faut penser à tous les... Les commerçants qui sont à l'extérieur, ouais, allez les voir, ces petits artisans, ces petits commerçants qui bossent toute l'année et qui ont besoin de vous. Ben ouais, je sais, ouais, je le fais sentimental ce matin. Sacrifice, la reprise avec ses Cold Heart, Elton John avec Dua Lipa. Salut à Tony qui est là aussi, bonjour mon Tony, fidèle auditeur de la radio depuis des années, on le salue mon poteau Nuno qui est là, aussi Florent qui enregistre les émissions, salut Florent amigo, Valérie qui est là, il y a aussi Eugène qui est là, Virginie, vous êtes nombreux le matin, de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir de retrouver Francky au réveil 7h-9h. Et aujourd'hui, un bon anniversaire à Estelle qui fête ses 41 ans. Bon anniversaire, ma chérie, c'est ce que dit son mec Thierry. Voilà, bon anniversaire, Estelle. Et puis du son qui arrive. Ferme tes touches pour vous réveiller, vous sortir du lit. À 7h34 minutes, Stéphanie Bier, notre chroniqueuse du jour, sera là vers 8h moins le quart, 8h, avec la chronique du jour. Ouais. Antoine qui est là aussi. Oh, salut Antoine, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Ce titre là, un petit remix là de Tempted Touch 2018, heureux d'être avec vous. Et puis la radio arc-en-ciel est partenaire, hein, la star au Portugal, Tony Carreira, sera en Orléans le 21 janvier, ce sera au Zénith. On est partenaire de ce bel événement. Et bien il arrive, Tony Carreira, sur Radio Arc-en-ciel, un réveil tout en douceur avant l'arrivée de Stéphanie Bier dans les studios de la radio. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. 21 janvier aux Zénith d'Orléans avec Arc-en-Ciel. Agora que eu acredito que te posso esquecer. Agora que eu me permito começar a viver. Agora que eu já sei do que não estás mais aqui. Agora que eu já não morro a cada dia sem ti. Volta a mim este vazio, desde um silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci. Quando me lembro de ti, volta a mim esta saudade. sur. La gora gorja non doi ve si capisce che figo. La gora che già consigo vantare a sorrire. Non resta nada di ti. Volta a mi este vazio, este silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci. Quando me lembro de ti, volta a mi esta saudade. Tony Carrera au Zénith le 21 janvier avec Radio Arc-en-Ciel. On sera heureux d'y aller et peut-être de vous inviter, ça se trouve. Ah, VIP, pourquoi pas. Et puis le meilleur des souvenirs pour vous sortir du lit. Coucou Elodie qui est là. Salut Francky, bon réveil. Bon dia, bah bon dia hein. Super Funk qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années, ça fait déjà presque 4 ans, avec Lou Clestar, c'est sur la radio couleur. I want to be your lucky star, baby. Hey, my love for you is real. Something I can feel deep inside my body, my soul. And I wanna be that star shining down on you, watching over you every step of the way. And just let me be that star shining in the night. When you look up, you'll feel my love. I want to be your lucky star, baby. I want lucky star, baby. I wanna be, I wanna be the lucky star. I wanna be your lucky star, the lucky star, baby. I want to be your lucky star. Over and over. Radio-Conciel avec Ron Carroll, le Kestar sur la star des radios. Ah ouais, 7h46 minutes. Stéphanie qui est là dans les studios, elle vient juste d'arriver en pleine forme comme vous. Peut-être de l'autre côté de la radio, heureux d'être avec vous jusqu'à 9h et puis elle arrive dans moins de 10 minutes. Allez, Stéphanie Bier en direct à la radio, des belles chroniques, des potins, des popoutins, de la musique aussi, le collectif et puis on aura aussi Daddy Yankee et Casolina. Belle journée, bon réveil. Les cigales ont du Media Concert en direct, 7h48 minutes. Laisse tomber les problèmes. Ouais, laisse tomber vos problèmes ce matin. On est là pour passer du bon moment ensemble avec le week-end qui arrive dans quelques minutes. Et puis Stéphanie dit aussi dans moins de 7 minutes. Voici Gasolina. Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'ma try you one more time, yo te doy la gasolina. T'aimes bien ça toi, non? Ouais, c'est entraînant. C'est entraînant, c'est marrant, bah le jingle aussi qui arrive. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Franck. Ça m'apprendra à appuyer sur tous les boutons. Stéphanie Bier, bonjour. Bonjour. Ça va Rambo? Arrête, ne taquine pas avec ma voix, c'est assez compliqué comme ça. C'est vilain de faire ça. C'est vilaine. Tu vas être obligé de pousser les boutons parce que. Bah, j'appuie partout. Déjà, je me gourde boutons depuis tout à l'heure, j'en vois n'importe quoi. Ne trafique pas ma voix, laisse-la naturelle, elle est déjà suffisamment trafiquée. Je touche plus au micro, sinon je vais me faire engueuler. À chaque fois, je trafique tous les micros ici. Donc, je touche plus au micro, moi. Ne me fais pas une voix de fête foraine, c'est pas utile. Non. Comment tu vas bien? Bah, je vais bien. Bien reposé, à un moment qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais, il y a un moment qu'on s'est pas vu, effectivement. Et ça me fait plaisir de te retrouver ce matin sur le 96.2 et bah, FM. Et de retrouver nos auditeurs, évidemment. Eh ouais, qui sont fidèles. Qui sont fidèles, ouais, tout à fait. C'est bien, c'est rare. Hein. Normalement, ils se barrent dans d'autres radios, des fois. Hein. Ouais, mais bon. Bah, nous, là, ils aiment bien. Ils sont obligés d'être fidèles. Alors, il y a Katia qui te passe le bonjour. J'ai Stéphanie, leur problème. Ah bah, des bisous, Katia. Voilà, c'est cool si elle nous écoute. J'espère que la programmation va continuer de l'entraîner et de lui plaire. Moi, j'ai deux, trois petits trucs à vous proposer. Voilà, des choses, ouais. Des trucs sympatoches. T'as été au Festival de Loire, non? Non. Pas encore, tu vas y aller? Non. Je sais pas. Il y a des arbres là-haut, il y a plein d'arbres. Ils ont peint en bleu, en vert, je sais pas quoi. Ouais. Non, mais j'aime bien. Moi, tu sais, c'est la forêt, les trucs comme ça. Mais là, c'est plus la saison des câlins, mon petit Francky. Ah, c'est fini, hein, on peut plus choper un arbre. Non, maintenant, faut attendre mars, que la sève remonte. Tous les jours la sève. Non, à l'automne la sève redescend et voilà, c'est pour ça que les arbres ont perdu leurs feuilles, tu le sais. Eh ouais, c'est pour ça, je sais pas, mais c'est pas grave, tu me l'apprends ce matin. On va faire un cours de chimie tout à l'heure. C'est pas de la chimie, c'est la nature, c'est le cycle de la vie, mon cher Francky. Avec des chèvres et tout. Comme dirait le roi lion, n'est-ce pas? Ah ouais, le roi lion, tiens. Le cycle de la vie. Et donc je me suis pas maté ce film-là. Hein. C'est quatre, je vais me le mater un dimanche soir, tiens. Quand je travaille pas. Non, mais je travaille tout le temps. Par contre. Bon, alors, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir revu ton papa, l'autre jour. Oui. Je salue au passage. Quelle rencontre. Ah, ça m'a fait plaisir. C'est cool. On s'est bien marré. Oui, on a passé une bonne soirée. Ouais, une belle soirée. Alors, plein de choses au programme ce matin. Plein de choses. Ouais, des petits trucs. Ouais, par là. Voilà, j'ai disséminé. J'ai un peu improvisé. Je vous le cache pas, mais ça va. Je pense que j'ai trouvé de quoi vous intéresser. J'espère en tout cas. On espère. Alors, soyez tout oui ce matin. Soyez à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel. Ne lâchez pas. On est là jusqu'à 9h. Ouais, parce qu'ils sont dans les bouchons là. Donc, ceux qui sont sur la. Ça bouchonne bien. Ah ouais, là, ils vont pouvoir. Sur les boulevards, c'est sympathique. Hein. À toute heure de la journée, on est bien. Orléans, le matin, c'est quelque chose. Hein. Voilà, bah, puis là, les quais sont bouchés. Donc, c'est pour ça que ça sature sur les boulevards. Ah, le bordel que ça doit être ce matin dans les bagnoles là. Et appelez-nous là. Venez gueuler un peu là. Non, gueulez pas. Dites que vous êtes bien dans votre voiture parce que vous nous écoutez et que voilà. Ouais, mettez Arc-en-Ciel à fond là. Voilà. À côté des grosses radios, tu sais, les mecs qui réveillent le matin, nous on est bien. Nous on est cool. On est cool sur Orléans. On réveille parfois en speed et parfois en douceur. Voilà. Ça dépend. Donc soyez toutes oui dans les bagnoles, dans les bouchons. J'adore les bouchons de champagne surtout. On démarre avec quoi, Stéphanie? Comme tu veux. Bon, ce que tu veux. Moi, j'ai tout est calé. Tout est calé. Eh ben, écoute, tiens, une petite info. Mmh. La fête des voisins, parce qu'on parle beaucoup du Festival de Loire. Du les coup, voisins. On passe complètement à côté de la fête des voisins. Et pourquoi on passe à côté de la fête des voisins? Bah, parce que c'est aujourd'hui. Mais on m'a rien dit, moi. C'est pour ça que je suis là, pour te le rappeler. Oh. Parce que, effectivement, normalement, elle était programmée le 28 mai l'année dernière. On a été privé de tous ces bons petits plats faits maison qu'on partage tous ensemble. Ça fait du bien des fois, il est casse-couilles, les voisins. Non, il y en a qui sont très sympas. Et puis, en général, ceux, comme tu dis, qui sont casse-couilles, ceux-là, ils se pointent pas. Ouais, ils viennent pas. Il y a que les gentils voisins qui partagent, en fait, leur bon petit plat. Donc, c'est sympa. Moi, j'ai rien à partager, j'ai rien dans mon frigo, Dans certains quartiers, ça permet aussi de découvrir la culture culinaire de chacun. Et c'est vraiment sympa. Et voilà, on se balade, on voyage à pas cher et c'est plutôt sympa. Portugal! Sachez-le que c'est aujourd'hui, en tout cas, qu'elle a été reportée plusieurs fois. Ouais. Et donc, bah, si vous voulez sympathiser avec vos voisins, écouter de la musique et partager des bons petits plats, et bah, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Vous avez de la chance, il fera encore beau temps cet après-midi et ce soir. Ça se gâte un peu pendant le week-end. Ouais, mais bon. Donc, mais en tout cas, pour aujourd'hui, la journée est belle et elle est propice donc à célébrer cette fête des voisins qui nous a peut-être manqué pour certains. Beaucoup, même beaucoup. Voilà, surtout les voisines. Pour certains. Du coup, on peut peut-être se caler Ronan Luce. Ah bah ouais, on va l'écouter, Ronan Luce, les voisins, les voisines. C'est en quelle année, ça, à peu près? Il y a combien de temps? Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Non, plus que ça. Oh, tu vieillis pas vite, toi. L'horloge, tu l'as mise au ralenti, mon Francky, je crois. Bon, on écoute Ronan Luce et puis on parle des voisins. Ça marche. Les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines, dont les ombres chinoises ont ondule sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes pas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranche la moindre pervenche du jacquier. Mon préféré, mon voisin, mes voisines. J'ai toujours préféré mon voisin, mes voisines. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines, qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les mélanges. Inventeur du sèche-linge, plus de lèche, vitrine à ses caches, poitrine, j'ai séché. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines. Sur la date, tu t'es bien planté, on est d'accord. Et moi, je vis pas 8 à 3 ans, et c'était en 2006. Et c'est vrai que j'étais sur notre radio à l'époque, on le passait donc tout le temps. Donc en fait, ça a 15 ans, voilà, ce titre a 15 ans. Ah la vache. Et pour toi, 15 ans, c'est 3 ans, c'est formidable, mais c'est pour ça que le temps n'a pas d'emprise sur toi. Ouais, c'est clair. Tu ne vois pas le temps passer. Non, mais même ceux qui écoutent la radio, ils disent, il y a 15 ans, on écoutait ça, c'est vrai. C'est ça. Il a dû vieillir aussi, le Renan, là. Renan Luce. Il n'est pas avec Vanessa Paradis, lui, non? Non, c'est comme ça. Non, c'est rien du tout, ça, les potins, c'est plus ton truc. Oh, ouais, moi je suis pas trop potin. Moi je vais vous parler justement, allez, encore un petit clin d'œil à propos des voisins, des voisines. Il existe en fait un site qui s'appelle leurcivique.fr, tout attaché. Et en fait c'est un dispositif dans lequel chaque habitant peut consacrer une heure par mois à une action de solidarité, de proximité, d'entraide dans le voisinage. Donc c'est plutôt sympa si vous avez une heure par mois à consacrer à vos voisins. Et bien voilà, vous pouvez aller sur leurcivique.fr. C'est un bon concept de partage. Pas mal, en fait, il faut être en bon terme. C'est pas tout d'aller boire un coup et de manger un bout, mais il faut aussi rendre service. Ouais. Attends, c'est comme ça la vie de voisin. Toc, toc, toc. Hey, t'as pas un litre de lait? Ou alors, des fois, c'est la guerre avec les voisins. Des fois, la musique à fond, tout ça, ça peut arriver, ça. Ça t'arrive, ça, parce que tu mets peut-être, non le son. Non, je bois de musique, moi, je mets rien chez moi, je suis tranquille, moi. Bon. Pas m'emmerder, hein. En tout cas, des belles choses ce matin. Voilà, la fête des voisins, voisines. Voilà, donc c'était le petit rappel du jour. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Ouais, on va s'écouter un peu de musique d'abord, hein. Ouais. T'as envie de quoi, toi? Les Satan Pepa, ça te parle, ça? Ah oui. Hein? Ouais. Bon, ça, souvenir. Ça bouge, ça. Ah. Allez, bon réveil. Vous pouvez bouger votre boule dans la voiture, allez, hein, pas de problème. Votre boule. Boboule. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. coy, avoid or make void the topic. Now we talk about sex on the radio and video shows. Anything goes, let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? I doubt. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, a little baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Try to make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The threat she says was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. The last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Uh-huh. Let's talk about sex. Ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies, let's talk about sex. All right, ladies, I'm with all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies, let's talk about sex. All right. Yo, Pat, I don't think they're gonna play this on the radio. And why not? Everybody have sex. I mean, everybody should be making love. Come on, how many guys you know make love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Attends, je parle n'importe quoi, moi. J'aime bien parler en yaourt. C'est ce qu'on dit, non? Oui, c'est ça, c'est du yaourt. Et t'as déjà vu les mecs en boîte quand ils chantent tous les filles sur la bise des fois? Je suis mort de rire. T'as déjà vu ça? Ben, j'en ai fait partir. Bah, il faut... Mais je faisais pas trop du yaourt. Ils chantent en même temps, en fait. C'est pas grave. Ils s'éclatent, c'est le but. Non, mais ça, c'est la réalité. Moi, je le vois régulièrement. En plus, il y a le karaoké maintenant aussi. Ah, bah, le karaoké, c'est quelque chose aussi. J'avoue. Tu vas chanter dans un peu, non? Tu chantes? Ah, bah, c'est sûr, avec ma voix, bien sûr, ouais. Je chante. Je hurle en voiture, ça, oui, bien sûr. Ouais, vous en voiture, justement, vous êtes dans les bouchons, bien. Bonne journée à vous, aujourd'hui, sur Orléans. Stéphanie Bier, qui est là, pour la chronique du jour, avec des bons plans, des bonnes chroniques, hein, ce matin. Il n'y a plus d'arbres, hein, c'est ce que tu dis, hein. Il y a des arbres, mais les arbres ils vont aller vers une saison de repos. Ah ouais, comme les ours, ils vont aller hiberner. C'est ça, c'est l'idée. Voilà. Et on continue, bah, Stéphanie. On continue là. Ah bah si tu veux, ouais. Bah ok, bah écoute, on va parler, je pense, d'un anniversaire happy qui est sympa. Birthday to you. Qui va vous parler à tous, la génération 90. Ah, je vois ce que c'est. Hein, on en a parlé et en fait bah c'est cette année en fait le groupe mythique des années 90, les Fugees, ah, pour ne citer que. Je mets un petit bout là, comme ça. Ouais. Oh là là là. On va l'écouter juste après. Ouais, je mets un petit fond comme ça. Pas de problème. Et du coup, c'est donc les Fugees qui se reforment pour fêter les 25 ans donc de leur sortie de super album, dont j'ai perdu le titre, mais je vais vous le retrouver. Non, on va le trouver, je vais aller à la cave chercher. Et en fait, donc c'est leur 25 The Score. The le score. Titre de l'album, the voilà, score. Qui a 25 ans, c'est The Score. Et en fait, bah, les membres des Fugees ont décidé de se reformer pour faire une tournée. Donc, ils annoncent apparemment une date sur le mois de décembre pour la France. Ah, bien. Orléans, hein. Non, à Paris, je pense que ça sera du côté de Paris. Imagine les Fugees à Orléans. Orléans, les grandes années, c'était 80, quand il y a eu Bob Marley. Ouais, Bob, ouais, il était venu. Il y a eu Carlos Santana, il y a eu des trucs de fou au Parc Expo. Bob, il était venu en 80. Faut pas oublier, le Parc Expo, c'était mythique pour eux. Là, c'était plein de fumée là dans le parc, on voyait plus rien. À cette époque-là, oui, à cette époque-là, oui. Maintenant, c'est plein de vapeurs avec les... Ah ouais, les vapotes. En tout cas, voilà, c'est l'anniversaire des Fugees. Ils se reforment et en fait, eh ben, ils vont se produire apparemment le 4 décembre à Paris et ensuite ils seront à Londres le 6 décembre pour nous présenter, eh ben, voilà, une tournée anniversaire un pour fêter les 25 ans. Non, je suis pas sûr qu'il y ait un nouvel album. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment là, ils vont éclater un peu et voilà, le public aura changé, il aura pris 25 ans, ça va être très sympa. Il va en déambulateur, avec des dentiers. Peut-être pas quand même. Pas loin, attends. Laurinil, tout ça, ça va, c'était. Ouais, ouais. On avait 20, 25 ans. Bon, ils ont 50 balais les mecs quoi maintenant. Ouais, entre 40 et 50 on va dire. Hein c'est bien en tout cas. Bah, c'est bien, c'est un bon public, il est fidèle au moins. Voilà, c'est ça, tac, et prends ça, allez. Donc bah du coup je vous propose d'écouter Oulala. Exactement. Ça vous rappelait des moments. Radio Arc-en-Ciel en direct. Les Fugees, histoire de vous rappeler un peu mal à la mémoire avant qu'ils reviennent sur scène. On se les écoute tout de suite. The dead kitchen. If you're my fiancé, then I'm bringing on Haitian Sicilian. Nobody shoot me. My body's made of hand grenade. Girl bled to death while she was conscious in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll ride the Harlem. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Speaking enemies in their own families. And we're getting coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la la, it's the way that we rock, that we do in our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la la. So we think. Yeah, yeah, yeah, yeah. In saloons we drink booze and battle rules to high noon. Bust rap tunes on flat spoons, take no shorts like poo poo. For Gucci's and Lucci, find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji. Hey, hey, hey, try to take the crew and we don't play. Say, say, say, like Paul McCartney, not hardly on. Stick it up, I can see right through your puffs. Niggas puffed and they puffed when they can't hear the dust. Bust, look at the fire, I could never hide. Secretly hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that twisted by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. Shouldn't this refugees then? Cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ojo Akon, I'm a true champion like Farrakhan, reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric acts like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to turn like you're down with Moses. What's going on? Armageddon come, you know we soon done. Run by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you done with Mount Zion. Zion. Zion, ça me rappelle quelqu'un, Zion. Oui, aussi. Bon. Mais alors moi, tu sais ce que ça me... La rythmique, là, m'a entraîné vers un autre titre, en ouais, fait. C'est quoi? Les Bad Boys de Marseille. Ah ouais. On est un petit Bad peu dans Boys le... Bad Boys de Marseille. Bah, c'est la même année, quasiment. Hein, c'est ça, c'est la même époque, et on est vraiment sur le même rythme, un peu. Ouais, ah, c'est bien. Qui berce. Ouais, c'est bien, donc du il revient. Du bon son, poste à fond dans les oreilles. Ah bah là, ça, poste là. À fond du bon son dans les oreilles. Pardon. Ah, vous êtes bien. Ouais, c'est pas grave. Oh bah si. Ah ouais. En tout cas, vous êtes bien dans la voiture là. Écoutez les Fugees, hein, ils reviennent sur scène. Ça va être bon ça. Au mois de décembre, à le Paris. 4 décembre à Paris. À Paris, quelle bonne nouvelle. Pour les 25 ans de l'album The Scar. Ah bah moi je vais venir les voir hein, si je peux y aller. Enfin si je peux. Hein, après on n'est pas tout le temps dispo. Hein. J'irais bien les voir en tous les cas. Ouais, franchement les Fugees, moi aussi c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aller. C'est vrai. Ouais. Bon on y va ensemble si tu veux. Bah écoute, pas de problème, tu es, c'est mon anniversaire au mois de décembre. Ah bah on ira pour ton anniversaire alors. C'est un demi-siècle mon ami. Oh la vache. Je suis pile dans la bonne génération Fugees moi tu ouais, sais. Ouais c'est ça. Des bonnes nouvelles alors. Ouais. Bah oui, après je nouvelle là j'ai pas. faut que je regarde. Oh, on pourrait se faire un horoscope, tiens, si tu me dis quelque chose. Ouais, bah si tu veux, on peut pêcher un horoscope quand tu veux, hein, moi. J'ai tout écalé sous la main. Hein. Bon, bah allez, je vais aller consulter on les astres. On va aller consulter. Ouais, les astres. Madame Irma, non, c'est pas ça, c'était quoi Madame Soleil à l'époque, non? Madame Irma, ça marche bien aussi. Ah, c'est bien aussi Madame Irma, mais Madame Soleil. Bon, on va avant l'horoscope, on a une petite news encore, peut-être. Après, tout de suite là maintenant, tu veux? Non, c'est comme tu veux. Bon, on va attendre un petit peu, on va rester un petit peu sur les Fugees, mais par le biais de Laurine Hill, et en fait, pour vous parler d'un autre groupe. Ils sont pas loin. Ils sont pas très loin, et je vais vous les présenter dans quelques instants. Bah attention, mesdames et messieurs, ça va sortir du chapeau de Stéphanie Bier. Non, mais c'est vraiment un groupe que j'adore, et ils sont spécialisés vraiment dans les covers, mais ils font un travail merveilleux, c'est des musiciens fantastiques. Boubouze. Et ouais, Boubouze All-Star. Poupouf, c'est Boubouze. C'est Boubouze All-Star, et franchement, ça déboîte. Et ils sont de Tours, c'est ça? Non, Bordeaux. Bordeaux, ah bah je me suis trompé, bon c'est pas loin. Ils sont pas plus aussi. Oh, c'est un peu plus en bas. C'est un peu plus bas. On s'en fout, allez Barry White, et puis l'horoscope qui arrive, il pourra parler des Boubouzes. C'est ça. Allez, bon réveil, belle journée. Toi, t'as la voix de Barry White, toi. Oh, hein, ça va. Tu vois, fais-moi un let music play. Oh. C'est pas beau de se moquer. Bah, je me moque pas, non, mais ça va, ça passe, hein, le matin à la radio, quand même. Une voix comme la tienne, c'est ce que nous disent les auditeurs. Une belle voix, là, Stéphanie. Bah, voilà, une belle voix. Bah, tu vois, il suffit de rajouter encore plus de voile sur la voix et c'est bon, quoi. Ok, Stéphanie, bien. Ouais, ça va, tais-toi. Oh. On y va. Alors, on parlait des Boubouzes. Vous ne connaissez pas ce groupe? Non. Boubouze All-Star, bah peut-être vous pouvez... moi, je le partage régulièrement sur ma page parce que j'adore vraiment ce groupe et je suis leur travail depuis déjà 15 ans. Ils font des covers, c'est ça? Ils font que des covers. Alors, souvent, ils sont accompagnés aussi... il y a beaucoup de covers sur lesquels ils sont accompagnés de la scène actuelle, plutôt tendance reggae. Par exemple, des gens comme Max Livio qui ont repris... Ah, qui est d'Orléans, d'ailleurs. Qui est d'Orléans. Qui salut, super, Maxou. Qui est un super artiste et qui avait repris une chanson de Bachung avec eux, La Nuit, Je Mens, que je vous conseille. Ah, il est beau, vraiment. Ce titre. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Moi, la nuit, je dors. D'aller découvrir vraiment tout ce que fait le Boubouze parce qu'ils sont vraiment géantissimes au niveau musical. Ouais. C'est des super musiciens. Il faut que du reggae, non? Ouais. C'est du reggae, mais c'est pas. Des rastas, quoi. Non, c'est pas des rastas. Et c'est une tendance, c'est effectivement une tendance reggae, mais si vous allez écouter, vous allez voir qu'on n'est pas dans du reggae classique. C'est très dansant, c'est très bien repris. Ouais. Il y a des titres qui sont parfois anciens, qui sont retravaillés, qui sont super. Et vraiment, il y a une superbe orchestration et on est vraiment sur des artistes de qualité. Et du coup, bah, je vous propose ils justement. Ils sont un peu comme Danakil, non? Tu connais Danakil un peu? Ouais, je connais Danakil. Alors pour le coup, Danakil, on est plus chez les Rastars. Là, il y a pas de problème. Ouais, bon non, là, Boubouze, c'est vraiment, il y a vraiment. Donc il y a cette influence reggae qui est bien présente, mais franchement, en termes de qualité musicale, on est sur du très haut de gamme. On adore. Et moi, j'ai envie que les gens aillent écouter ça parce que tout le monde en fait peut y trouver son compte parce qu'ils reprennent des artistes tellement variés que chacun peut trouver forcément un ou deux titres au moins qui vont où les gens vont se dire ah mais oui j'avais oublié mais c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. C'est et là du fait. Coup pour rester du côté des Fugees, ils ont sorti justement une cover juste mardi là, elle est toute fraîche parce qu'en fait de temps en temps ils gardent le suspense et ils gardent le suspense et voilà tel jour à telle heure il y a tel morceau qui arrive directement donc sur YouTube et ça marche franchement, enfin moi j'adore. Et là ils ont repris la dernière reprise, c'est Lauryn Hill X-Factor. Donc voilà, moi je vous propose de découvrir ce titre-là et puis surtout n'hésitez pas après à aller découvrir tout le reste de leurs albums et de leurs créations parce que vraiment c'est excellentissime quoi. Alors Boubou, ça s'écrit B2O deux ou trois Z apostrophe All Star A deux L Star voilà. Boubouze All Star. Ben on les écoute avec X Factor, voilà. Alors c'est une reprise, hein, récupéré direct sur YouTube. Ah non, on va pas se cacher, hein. Donc c'est la dernière cover qui est sortie, elle est toute fraîche, elle sort des bacs et voilà, de Lauryn Hill revue et corrigée. Et vous allez voir, c'est formidable. Go, here we go à 8h21, Boubouze. But you'd rather make it hard. Loving you is like a battle, and we both end up with scars. Is this just avoue que ça met bien quand même. Ah, c'est bien. Franchement, avoue que ça met bien. Si avec ça, tu démarres pas ta journée tout cool, tu peux même finir ta soirée en vérité, parce que c'est un peu de la musique pour se caresser. On peut se l'avouer quand même. C'est de la jolie musique. On est bien. Ça coule tout seul. C'est formidable. Là, je suis sûr qu'on a apaisé les auditeurs dans les bouchons. Après, ils font des choses aussi un peu plus. Oui, on peut. Il y a d'autres titres. Je peux vous proposer d'autres choses de chez eux qui sont un peu plus speed et tout, mais on reste sur une qualité vraiment musicale. J'essaye de les joindre un matin au téléphone, ça serait sympa, boubouze. Hein? Ouais, je sais pas s'ils ont le même humour que toi, faut faire attention, hein, parce que t'as un humour particulier. Ah ouais, on va pas sûr. Se le cacher. Non, mais je peux les appeler un matin, on peut se marrer un peu. Ouais, je vais contacter l'agent de presse, là, je vais me renseigner un matin, là, avec boubouze au téléphone. On va se marrer. Bah, tu viendras ce jour-là, si on les a. Ouais. Bah, faudrait que tu me laisses faire alors. Ouais, je te laisse faire. Moi, j'irai à la machine à café. Moi. Non, franchement, avec plaisir. Et c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. On et rappelle, voilà. Ouais, ça s'appelle Boubouze. Allez télécharger sur. Boubouze All Star. Voilà, c'est déjà écouté. Et après, télécharger légalement, c'est mieux pour leur faire un coup de main aussi. Hein. Bah, carrément. Après, le mieux, vous commandez les albums. Vous faites tout ce qu'il faut bien. Hein. Ah oui, et puis vous voyez un chèque aussi en même temps. Bah, attends, je participe. Moi, je suis pas agent de presse, mais je parle des choses. Que j'aime, des artistes que j'aime, et comme Max Livio, qui est quelqu'un que j'adore. Ah, Max, faut qu'il revienne à la radio, il était déjà venu il y a 4 ans. C'est vraiment, on a de la chance en France, on a encore des jeunes interprètes, des jeunes auteurs qui sont au top. Quand je vais le contacter là, Max, parce qu'on se connaît bien quand même sur Facebook, on parle beaucoup ensemble, on s'est déjà vu à la radio il y a 5-6 ans, et un matin on se fait un interview avec lui si tu veux ensemble. Avec plaisir. Maxou. Avec grand plaisir. On lui fera un café, Maxwell. Attends, Max. Pareil, je pense pas qu'il ait tout à fait le même humour que toi. C'est mais pas bon, ouais, mais c'est pas grave, il aime bien mes vannes. Maxwell, qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. À l'ancienne, c'était 84. Ah bah, les pubs, elles ont changé maintenant. C'est plus la même chose. Ah merde. Maintenant, t'as vu, j'ai ma dose. Vu, ils sont bons. Reviens, Léon, rappelle celle-là. Les agents de presse, à mon avis, ils ont dû, enfin, les agents publicitaires, ils ont dû changer de drogue. Ils ont dû changer de drogue, c'est pas possible. C'était beau. Beaucoup plus drôle avant. Non, mais on se marrait bien, franchement. Les pubs là maintenant, elles sont un peu emmerdantes. Elles font pitié, ouais, mais moi je regarde plus les pubs, hein. Je regarde la télé maintenant. Bah, parce que, non, mais en fait, quand tu regardes, si tu regardes les chaînes classiques. Ah, ça me donne mal à la tête. Je regarde même plus la télé, moi d'ailleurs. T'as une télé, toi, t'as pas de télé, je crois. Si, t'as une télé, toi. Ouais, j'en ai une là, parce que j'ai changé de domicile en fait. Ah oui, t'as trouvé une télé. Ouais, non, mais c'est pas. Voilà, après je regarde, après je vais pas cacher, je regarde plutôt. Netflix. Non, du tout. Les chaînes où il y a Arte. Pas, ouais, voilà, où il y a pas de publicité en règle générale et où il y a des programmes de qualité. Sinon, j'aime bien écouter la radio aussi. Bah ouais, t'es comme Benoît Billard, toi. Mon ami Benoît qu'on salue au passage, qui va venir lundi à la radio justement. D'accord. Voilà, Stéphanie Bier. Bah écoute, qu'est-ce qu'on pourrait se faire là, je sais pas. Tu veux quoi, l'horoscope? Non. Bah si tu me trouves un truc, ouais. Bah, je vais t'en trouver un. Un peu lisible. Pas trop long. Non, mais je vais trouver quelque chose, mais on peut s'écouter un peu de musique. Hein, ah bah ouais, ouais. C'est de radio pour écouter de la musique quand même. Bah ouais, c'est bien la musique. Et moi, ce que j'adore ici à Rochelle, c'est que nous, on fait tout à l'arrache. Comme ça, au moins, on se prend pas la tête. Parce que dans toutes les radios, c'est préparé. Hein. Parce que avant, quand c'était tous les jours, moi, je préparais beaucoup. J'avoue que quand je viens là, c'est plus pour le plaisir. Donc mais c'est pour se marrer qu'on est là. Je prépare, mais légèrement. Ouais, mais dans toutes les radios, tout est préparé. Les gens, ils pensent qu'ils déconnent comme ça, mais tout est écrit. Moi, je l'ai fait dans les grosses radios. Donc, je sais ce que c'est. Tout est écrit. Prompteurs, les machins, les tout, les titres que vous écoutez, il y a pas un animateur qui met un titre. Ah bah j'étais dans une radio nous, locale tout, ouais. Et c'est pareil, je faisais ma programmation, tout et donc je préparais tout l'après-midi pour le lendemain matin et j'adorais ça. Moi j'adore écouter George Michael par exemple, Face Love. Oh merde, oh pardon. Non mais tu peux dire des gros mots dans le rôle matin. Allez George Michael et l'horoscope, allez. We'll be right back. love is right. My love is right. My love is right. My love is right. My love is right. My love is right. Des souvenirs et on a eu un problème technique. T'as encore tué George Michael. Quoi, bah le pauvre, il est mort en 25 décembre, bah, il est reparti. Bah, je sais pas ce qui s'est fait. En fait, on discutait en antenne et puis on s'est dit, il n'y a plus de musique. Ah bon? Et à fou rire quand même. Oui, on a rigolé un peu. Il y a eu un blanc à la radio. Ouais, ça arrive. Alors normalement sur d'autres radios, les grosses radios, il y a un disque de secours qui parle. Non, mais là le secours c'est toi. Bah le secours c'est moi. Alors, imagine si j'ai parti faire caca, on déballe. Ah, classe. Ça je sais pas pourquoi ça me manquait pas. Bah, ça me manque pas. Hein. Bon réveil la famille. Hein. On est pas en direct. Alors on a des news encore avec toi, des popotins ou alors c'est quoi hein, non? On a des trucs sympas avec toi le matin quand même. Ah oui, t'as pas de micro, bah oui, c'est normal. Là, j'avais pas de micro. Ah, décidément, moi je coupe tout. Ce matin, t'es en forme. Hein. Oh là là, je suis Gilbert Montagnier ce matin. Donc, en fait, bah, je vais parler d'un truc où tu vas te retrouver et tu vas comprendre. Je vais vous partager un petit article en fait. C'est donc la 4e fête du tri. Donc c'est une grande fête anti-gaspi et caritative qui est organisée par les commerçants avec le soutien de la mairie d'Orléans. Et en fait, à partir du samedi 25 septembre, donc à partir de demain jusqu'au samedi 9 octobre, il sera possible de déposer chez les commerçants participants les objets en lien avec leur activité. Donc on est vraiment dans le recyclage. Bien ça. Contre des bons d'achat, vous déposez, on va vous offrir des bons d'achat. Et les clubs services orléanais collecteront jusqu'au vendredi 15 octobre les objets déposés avant une grande vente caritative qui sera prévue le samedi 16 octobre de 9h30 à 18h30 place du Marais. 3. Il faudra y aller parce que tous les bénéfices seront intégralement reversés à l'association Espoir 21. Ah ouais, bah oui, les gamins. Donc voilà, avec l'atelier artisanal, etc. Donc voilà, il y aura n'hésitez pas à emmener. C'est bien Espoir 21. Si vous avez des vieilles lunettes, hop, vous les emmenez chez l'opticien. Un god, hop, l'emmener dans. Je rigole. Chez le sex shop après. Bon, c'est... Bah, en fait, il y en a. Voilà, il y en a à Orléans, excuse-moi, Stéphanie. Bon, en tout cas, on parle bien de recyclage et on parle d'accompagner une association qui fait un gros travail et tu le sais très bien. J'ai bossé avec eux pendant des années. Très proche d'eux. Là, on s'est un peu éloigné parce que avec le Covid, etc., c'est compliqué. Parce que les gamins sont très fragiles. Donc, mais là, je vais les faire revenir. On va en parler. Vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, cette grande vente, elle est donc prévue le samedi 16 octobre sur la place du Martroi. On aura peut-être l'occasion de vous en reparler d'ici là. Voilà, on vous en reparlera. Et puis en parlant de gamins, juste un petit clin d'œil. Vendredi qui? Vendredi prochain, voilà, on va retrouver Sandy Vendée qu'on a déjà reçu. Et on l'avait reçu à la fin de la scolarité et donc j'avais dit que ça serait assez cohérent qu'elle revienne là l'école a repris depuis un mois, je pense qu'on est pas mal et elle est pour parler de son action, de son métier, de ce qu'elle fait et comment elle aide les parents et les enfants dans des situations un petit peu particulières. Ça va être bien ça. Et voilà, c'est une fille adorable en plus, donc avec grand plaisir, on va la recevoir vendredi prochain avec toi, avec moi. Parce qu'elle voulait venir avec moi. Qu'avec toi, elle veut bien qu'avec toi. Elle veut bien être avec toi, mais il faut que je sois là quand même. Ah parce que les 110 kilos, je crois qu'ils lui sont restés un peu en travers de la goule, donc si tu veux, elle se dit qu'avec moi, elle aura peut-être une conversation un peu plus cohérente, un truc. Faut que je déconne, Ouais, voilà, c'est le duo. C'est ça, c'est le duo. L'horoscope, il est prêt ou pas? Parce que. Attends, je regarde les étoiles. Ouais, on est pas mal. T'as mis tes lunettes? Allez, on envoie le jiggle d'abord. On est moyen. L'horoscope, c'est maintenant. Et c'est la classe d'Alas. On démarre avec les béliers. Alors, vous serez sur la même longueur d'onde que l'être aimé. Aussi bien physiquement que sentimentalement, cette journée promet donc d'être agréable. Si vous êtes célibataire, une relation amicale est privilégiée pour l'instant. Et les taureaux? Un lien sentimental implique forcément certaines contraintes et vous aurez bien du mal à les supporter aujourd'hui. Il vous faudra faire un choix concernant votre style de vie, mais ne tardez pas trop. Pour les célibataires, vous serez intrigué par une personne que vous croisez de plus en plus souvent. Faites gaffe à la machine à café, ça se trouve, vous avez pécho ce matin. Les Gémeaux, vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans votre vie et votre partenaire devra vous suivre. Vous prendrez des risques et cela sera bénéfique à votre vie de couple. Même si cela vous donne quelques frayeurs, célibataire, un appel téléphonique ou un message pourrait bien vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ils vont surveiller leur portable ce matin, les Gémeaux, les cancers. Une rencontre avec une personne perdue de vue depuis un certain temps vous fera plaisir. Les liens familiaux seront également resserrés par un climat astral propice au voyage et au rapprochement. Ouais, c'est pas perdu de vue, c'était pas comment il s'appelle, Pradel, là, à l'époque. Non, il s'appelle pas Pradel. Si, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Il y a 40 ans. Et par contre, j'avais rigolé, c'est les acolytes, ils avaient fait une parodie de ça. Oui, c'est très bien. On se donne rendez-vous au sous-sol à 3h du matin. Hein. Il y a Laurenceau qui arrive en même temps. Pour rugir de plaisir, alors la pub, tu te rappelles à l'époque? Rugir de plaisir, Lyon. Rugir de plaisir, Lyon, c'était sympa, mais celle que je préférais avec un lion, c'était la pub Perrier quand même, avec la nana couvrée grand. Ah ouais, c'était du temps où Mondino faisait des publicités plutôt. Ça. Bah voilà, maintenant bah ça c'est de la merde. Ouais, c'est, de la, c'est pas terrible. Non, pardon, mais... on, et un jour, on va se faire virer de la radio. Un jour, c'est pas un jour avec Laurenceau, on va se faire virer. Enfin, surtout moi. Moi, Laurenceau, il est tranquille. Il est bonjour, Laurenceau. Je fais Yas qui fait du karaté, lui. Alors, un jour, il va faire une prise de karaté dans le studio. Les lions. Ah, tu fais bien la lionne. Alors, les lions, en couple, vous aurez des doutes sans raison valable. Ne gâchez pas tout par votre méfiance. Célibataire, votre ciel amoureux sera parfaitement dégagé. Vous qui vous méfiez des émotions incontrôlées, vous serez cette fois très romantique. En même temps, je pourrais casser l'amour, toujours l'amour. This is the question. Les vierges. Ah, les vierges, vous ne l'êtes plus, ça se trouve. Je sais pas. Oh, la facilité, alors... vraiment, toi, hein, je te jure. Moi, je suis le mec facile, hein. Les blagues 84. Alors, les vierges, eh bien, vous ressentez de plus en plus souvent un besoin d'indépendance. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous tout seul. Si les autres ne comprennent pas, eh bien, écoutez, ne perdez pas les 6 précieuses minutes dans des dialogues stériles et mettez-les à profit pour vous. Il y a des tournures bizarres, des tournures de phrases bizarres. Oh, c'est un truc de doux. Alors, pour les célibataires, les vierges, voyez le bon côté des choses. Personne ne vous mettra la corde au cou aujourd'hui. Ouais, voilà. Non, pas de mariage, hein. Pas de suicide non plus. Non plus. Pour être dans ton esprit. Ah ouais, bah oui. Les balances. Vous devrez contrôler vos pulsions qui risquent d'être vives. Vous perdez la partie à trop vouloir dominer les autres et monopoliser les débats d'idées. Aujourd'hui, il vaudrait mieux que vous restiez seul. Tout seul, dans votre coin, vous êtes puni aujourd'hui. Vous avez mauvais caractère. Un instinct, ça vous apprendra dans le coin. Les scorpions. Le changement dans la continuité en amour. Votre relation sentimentale sera épanouie et vous pourrez vous laisser aller en toute confiance. Ce programme-là vous paraîtra bien alléchant. Célibataire, vous vivrez un peu plus au jour le jour et serez plus détendu. Voilà, détendu du slip, comme on dit, avec les horoscopes des sagittaires. Les sagittaires, vous pouvez aborder cette journée en toute décontraction. Vos amours sont à nouveau au beau fixe. Voilà un souci de moins, vous connaîtrez une belle phase de sensualité. Comme Axel Red, sensualité, j'aime ton odeur. Tu te rappelles, c'est vieux ça, il y a combien? 5 ans, non? Ouais, c'est ça, ça fait au moins 5 ans. Ouais. Les capricornes. Vous avez tendance à vivre dans un monde imaginaire proche du conte de fées, mais cela ne pourra pas durer très longtemps. Faites preuve d'un peu plus de lucidité, la réalité n'est pas si terrible que ça. N'oubliez pas que personne n'est parfait. Eh oui, ça c'est super important, restez les pieds sur terre comme on dit. Les Verseaux. Vous ressentez davantage d'assurance et d'aplomb, ceci aura des conséquences bénéfiques sur vos amours. Vous pourrez enfin vivre pleinement vos relations et ne serez plus entravé par une timidité exacerbée. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous aurez envie de prendre les choses en main pour prendre un nouvel élan à deux. Eh ouais, ou à trois, ça dépend des jours. Les poissons. Vous nagez dans le bonheur. Ouais, voilà, c'est ça. Eh, ça a l'air facile. Les poissons, il y a la lune en poisson en ce moment, c'est voilà. Les poissons, très... toi, non? Non, pas du tout. Alors, les poiscailles. Les poissons, votre conjoint et vos enfants n'admettront pas que vous tentiez de leur imposer votre volonté. Soyez plus souple et ils vous mettront à part rapidement. Ou si vous n'êtes pas plus souple, ils vont vous mettre de côté rapidement. Ouais. Bah, voilà, ça arrive, hein. C'est l'idée. Ouais, 35 000 personnes hier au Festival de Loire, c'est pas mal quand même, hein. Il y a une jauge à 50 000. Bon, c'est des gros jauges, quand même. Au moins, nous, dans les clubs, on nous dit 75% de la jauge. Attention, passe sanitaire obligatoire. Ouais, il y en a plein qui veulent pas y aller non plus, quoi. Mais bon. Ouais, tu vas y aller, toi, un peu Je sais pas encore. Voir des bateaux, là? Non, je sais pas encore. Je regarde les photos de Didier Verchères. Ah, il est mieux la radio. Ouais. Et puis il signe son bouquin là. Il est dans un petit coup de pub là. Si vous voulez le rencontrer. Ah si ouais. Vous, voilà. Il est au Festival de Loire. Il dédicace son livre. Tu me copies là. Il fait de la CB. Tu me copies Didier Verchères. Donc c'est pareil. Ça c'était dans les années. C'était il y a 5 ans là. Ouais. Je crois que j'étais vraiment gamin là. T'as connu la CB toi? Oui, la CB j'ai connu. Il y en a plein. Gros 88. Ah moi je sais pas où j'étais. Ça voulait dire bisous. Ah d'accord, d'accord. Bon ben on en apprend plein ce matin avec Stéphanie Bié. Donc ne ratez pas le rendez-vous la semaine prochaine, c'est vendredi. Sandy sera avec toi dans les studios avec nous. Bah avec nous, on sera tous là. Bah oui, on sera là tous les trois. Vous serez de votre côté, moi de mon côté. Chacun c'est son côté à la radio. C'est ça qui est bien dans cette radio, c'est qu'on a chacun notre studio. Ouais, on est conforme à la aux règles sanitaires. Ouais, on a même du Il y a du gel pour les mains, pour les pieds aussi. Il y a du gel pour ceux qui puent les pieds. Parce qu'on a des invités qui puent les pieds des fois. Alors on a du pupier. On a une vitre. Et on a prévu le Covid. Ça fait 40 ans qu'elle est vitre là. On a une vitre, mais un truc de fou. Il faut voir la vitre qu'on a quand même. On est bien. Ça fait un bel aquarium en fait. Voilà. On pourrait mettre des poissons. Moi je mettrais bien. Tiens, je vais acheter cette semaine des poissons autocollants. Et je vais les coller là. Des beaux poissons. Hein. Tu mettras des bulles avec Nemo, toute la clique là. Dans le dessin animé. Non, sérieux, je déconne pas. J'ai envie de mettre des petits poisson là. Bon, t'as prévu quoi là comme musique pour nous? Ah bah, je sais pas, tu veux quoi? J'ai un truc à l'ancienne. Attends, bouge pas, regarde. J'ai un truc que tu vas aimer, je suis sûr. C'est Zané, tu te rappelles de ce groupe là? Ouais. Groove Thing. Ouais, allez, vas-y. Allez, on y va, on envoie du son. Et c'est parti avec Zané sur l'arc-en-ciel. On essaye de la garder en entier celle-là. Ah bah je la laisse, hein. On va voir, hein. Ça coupe pas. Sinon, on vient le technicien, il y a Laurence qui est arrivé. Ça, c'est fait du karaté. Hein. Allez, c'est bon ça. Vous pouvez danser. C'était bon ça. Ouais. Alors celui-là c'est le connu celui-là. Il y en a d'autres, hein. Ils avaient fait Hey Mr. DJ aussi. Ouais. Dans le même esprit, dans le même tempo. Oui. C'est un bon groupe. Chercher le nom. C'est un groupe qui arrive de Philadelphie, ça. Ouais, ils sont américains, les mecs. Une fille, un mec. DJ. Non, mais c'était bien. C'était les. Enfin, on pouvait. On peut danser un peu. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la rythmique d'ailleurs. C'est un petit côté quand même un peu funky. Et on reste dans peut danser le Mia là-dessus. Tiens, on va s'écouter le Mia avant la fin. Ah, volontiers. Avec grand plaisir. Parce que franchement, le Mia. Ou le Mia, ou les Bad Boys de Marseille. Bah, tu me dis, moi. Le Mia. Allez, donc je cherche sur la base de recherche de la radio internationale, indépendante internationale. Et qu'est-ce qu'on est, on raconte des conneries le matin. Bah toi plus que moi, mais bon. Moi j'ai fait, le problème c'est que j'ai des boutons partout, parce que toi t'as un bouton, toi. Moi là je suis cool quoi. Toi faut que tu gères le reste. Hein, moi je cherche partout tous les boutons. Et, bon à l'époque quand j'étais jeune j'en avais sur la tête. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, le meilleur, il arrive. Alors, tu voulais me dire quelque chose peut-être avant, non? Non, je sais pas, tu voulais que je te parle de quoi. Je Ce que tu veux, tu fais quoi cette semaine? Ce week-end, pardon? Ce week-end, là, après, je vais continuer de... Je refais un meuble, voilà, pour tout vous raconter. Ben quoi? Je vais peindre un meuble chez une de mes amies. Oh la vache, c'est du lourd, hein. C'est du lourd, ouais, mais je peins des meubles, en fait, c'est mon truc. Mais tu fais quoi? Tu les restaures ou alors... Je les restaure. C'est une peinture spéciale? Pas du tout, non. C'est, parce que moi, c'est j'en ai ma un... façon à moi. Sérieux, j'en ai un à faire, moi. Ouais. Je ne pas un truc en bois. C'est en bois, hein. Ouais. Plutôt en général, ouais. C'est plutôt en bois. Non, mais j'ai un vieux meuble à peindre. Il est de quel volume? Ah, il est gros, hein. C'est... Ah. Ah, non, il est... C'est un bahut. Ouais, un bahut, voilà, c'est ça, un bahut. Si tu le décapes, on peut faire un truc, mais... Tu peux le décaper? Ouais, moi, je décape plus. Moi, je décape, et après, toi, t'arrives avec ton pinceau. Et moi, après, j'arrive avec mon pinceau avec ton et mon art. Ah bah oui, ton exactement. Art. Exactement. La Stéphanie... Tu peux le signer, après, le meuble en bas? Si tu veux. Ouais, ok, d'accord. C'est un vieux meuble que j'ai trouvé, je trouve sympa, et j'ai envie de le restaurer. Bah écoute, tu m'envoies une photo et puis je t'enverrai te dis, cet après-midi quand je serai là-haut. Hein, je te dis comment préparer le support et après moi je gère la suite. J'aime bien parce qu'il est gros, on peut mettre plein de trucs dedans, c'est pour ça. Moi j'ai un bordelique, alors moi je suis pour un... Dites-toi des trucs pour planquer ouais, ton ouais, bordel. Quoi. Planquer, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le concept. Il y a plein de mecs comme ça. C'est le concept des gros bahuts en même voilà. temps en général. Soit on y range la vaisselle, soit on y met tout le bordel. Non, on fout tout le bordel, on cache tout, on c'est cache ça. La misère. C'est ça. Laurent Faux il est prêt dans les starting blocks, il arrive dans 10 minutes, même pas. Tu voulais nous dire quoi le week-end alors donc Stéphanie? Son week-end, mon week-end. Pas de festival pas. De Loire? Si, peut-être un petit tour. Ouais. J'ai peut-être y aller faire un petit tour, attends, mais ça m'oblige à aller faire un test PCR. Ah oui, est-ce que t'as pas vacciné toi? Et non. Ah là là là là, Stéphanie. Mais je ne suis pas une anti-vax. Exactement, t'es pas anti-vaccin, c'est juste mais que je ne peux pas. Tu ne peux pas par rapport voilà. à voilà, ta santé voilà. malheureusement. Pour l'instant, je suis pas voilà. Donc du coup, j'ai un peu peur, tu vois, parce que. Ouais. T'as peur? J'ai un peu peur parce que je suis comme tout le monde, j'ai super peur d'attraper ce truc. Putain. Ouais, très qui tue au moins 2% de la population et ouais, donc c'est une grippe en fait hein, maintenant donc en fait moi j'ai peur parce que avec ce pass sanitaire en fait tous les gens qui sont vaccinés mais ouais. potentiellement contaminants et contaminés ouais. eux peuvent y aller et moi je vais y aller avec mon test PCR tout vierge. Et je risque de croiser comme un toi. Vacciné. Et je risque de croiser un vacciné qui potentiellement pourrait me contaminer. Donc c'est vrai. Ça me pose un cas de conscience quand même. Donc non, j'y réfléchis. Je vais appeler Pradel. Je vais lui dire qu'on a un problème avec Stéphanie Biel. Ah, c'est pas du tout polémique. C'est un réel cas de conscience pour moi parce que je ne peux pas me permettre d'attraper cette saloperie. Et en même temps, le vaccin, moi, il me rassure pas parce que les gens, ils peuvent quand même me le refiler, en fait. Bah, tout le monde peut le refiler, c'est voilà. vrai. On est vacciné, malheureusement. Moi, je suis vacciné, j'ai pas eu le choix. Après. Je suis pas un mouton, mais j'ai pas eu le choix. Mais c'est pas une ça. Question d'être mouton ou pas. Non, et mais en les plus, gens, ils disent, ouais, solutions. Vous êtes des moutons, vous faites quand vacciner. Quand il y a des solutions, il faut les appliquer. Voilà. Après, peut-être que moi, je trouve qu'on manque un peu de recul. Bon, c'est mon avis. Si tu recules, après, comment veux-tu que. Voilà, exactement. Et puis, il faut faire tourner l'économie des labos. Exactement. Bah, c'est important, le labo, les potes à Macron, attends, dis donc. On va pas balancer le nom ce matin. Allez, Un jour, je vais me faire virer. Hein. Un jour. C'est possible. Laurent il l'a dit. Un jour, tu vas te faire virer, Francky. On verra bien, écoute. Hein. Petit milliard. Allez, ça nous milliard. Allez, Marseille et puis Laurent qui arrive. Marseille. Un petit clin d'œil à Marseille, justement. Allez. Hein, il y avait des trucs sur Marseille là, avec les footballeurs, tout ça. Là. Oui, parce qu'il y a un monsieur du. Qui est parti de Marseille. Qui est parti, qui était un fervent supporter. Ouais. Et donc, qui connaissait très bien d'ailleurs le groupe IAM. Et ouais. Donc, voilà, petit clin d'œil. Et puis, je crois que ça fait plaisir à un de nos auditeurs qui trouve ouais. que j'ai la voix. Monsieur Lemoine. Et qui trouve que j'ai la voix de Patricia Cass. Ah, faudrait qu'il m'explique à l'occasion. Faudrait qu'il m'explique. Patricia Cass, il dit que je suis belle. Toi, bon, voilà, faut dire ce qu'il y a. Moi, je suis belle. Ouais, t'es belle. Si, je suis belle. T'es la belle au bois dormant. Voilà. Mais je suis belle. Je danse le mien. Pour tous les Marseillais, et puis un petit dédicace, un petit clin d'œil à la ville de Marseille. Ouais, pêcheur! Du bras, des balles sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, midnight star. SOS, bon, délégation, chalamar. Tout le monde se lever, des cercles se former. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Le je danse le soirée vacille. Une bacar au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8, c'est 73. JM 120, mon petit, du grand voyou à la plus grosse montiette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil plein sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Marais, Coco, la Toupa, la Marley, Pascal et Terrasta. C'est d'après ce François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. On direct sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laser Light Action Club. C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Ah, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir encore au New Star Flash Laser Light Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Malbro, des autocollants Pionniers, des caleçons JV, des peluches. À la technique, c'est Michel. Le Light Jockey, c'est Momo. Le Light Jockey, c'est Stéphanie. Non, pas du tout. Ah oui, la lumière, si, c'était sympa. Et ça me fait remplir. Ça me fait, c'est vraie boîte de nuit, ça. Hein. Bah, c'est vraie boîte de nuit avec la vraie boîte à écho derrière là. Ah là, là, avec le mec qui on parle. On y est complet. Alors, le Def, là, le mec qui parle au micro, c'est un ami à moi. Il est de Marseille, il s'appelle le Def, on l'appelle Def Bond. Il a fait Tu me plais, bah Karine, tu me oui. plais. Et bah, c'est lui qui a fait ça. Et il fait le DJ, là, à l'époque, tout le monde, les bras hauts, tout ça. Ouais, ouais. Ayam. Eh, c'est des bons souvenirs, ça, Ayam. Ouais, mais moi, je suis parti en fait du fan club d'Ayam. Donc, je suis les choses au quotidien et je suis voilà non, je fais partie de moi j'adore aussi je suis dans l'esprit j'aime beaucoup ah, mais j'ai plein de fans en fait je fais partie de plein de trucs parce que j'ai non. En musicalement j'ai des goûts quand même assez hétéroclites, j'aime plein de trucs. Et on voit les photos, les discothèques là, c'est ça, c'est à l'ancienne, ça le ils portier. Ils y sont retournés il y a très peu de temps, ils ont fait le tour de la boîte qui est désaffectée, qui est il y a plus rien, c'est tout fait mort il y a très longtemps. Et donc il y a eu un petit reportage qui a été fait là-dessus qui est plutôt bien fait, vous pouvez retrouver ça sur la page de Ayam ou de Akhenaton même direct. Et voilà. Moi mon préféré c'est Né sous la même étoile, voilà, c'est celui-là que je cherchais. C'est pas mal ça, t'aimes bien toi? Ouais, moi j'aime bien, sauf quand ça sert de référence à des politiciens qui... Ouais, ouais, malheureusement. Qui en plus n'ont pas compris le sens de la chanson. Ah, ils ont compris, ils sont perchés les mecs. C'était avant l'élection, mais ouais, un peu planté. Bon, bah Stéphanie Bié, merci d'avoir contribué à cette belle émission. Bah hein. Écoute, moi j'ai passé un bon moment. Moi je me marre, je veux que tu viennes, je me marre. Bon bah c'est cool. C'est désolé, mais je me marre. Ah bah t'as raison, il faut, moi aussi je me marre, je me détends, c'est cool. J'espère que nos auditeurs, ils se marrent aussi. Bah, il se marre bien, on a des messages, il se marre bien avec nous. D'accord, cas, c'est bon, c'est cool. Il faudrait que tu viennes plus souvent, il y en a qui disent, mais bon, après, moi. Ouais, après, je fais au coup par coup. Ça dépend s'il y a des chèvres ou des arbres qui sont là, donc on peut pas venir. Hein. Donc voilà, c'est ça le problème. En tout cas, je serai là vendredi prochain avec Sandy. Ouais, avec 110 kilos. Sandy Vendée, oui, elle sera là. Arrête de faire ton vilain. Ouais, c'est un sujet intéressant en plus. Hein. Oui. Monsieur Laurenceau, il attend. On va lui laisser la place. Elle est toute chaude, la place. Il va me mettre un coup de karaté. Hein. Non, ça va. Il a pas l'air énervé. Là, il a le sourire. Regardez, il est tout agréable. Il est sympa, ce mec-là. Je crois qu'il aime bien quand même le duo aussi. Là. Ah, il aime bien. Hein, ça le fait marrer. On lui a payé un café. Il est tranquille. Voilà, c'est cool. Voilà. Bon, on va y aller. Il est 9h. Bon, on vous fait des gros bisous. Bah ouais. Alors, pour une fois, on vous épargne. C'est pas RDP International. Pour une fois, ça repart sur une véritable émission. Vous allez souffler un peu parce que là, RDP, on n'en peut plus. Non. C'est bien, c'est une sympa. Vraie émission. Là, une vraie émission avec Laurenceau de Portugal. Et je vous rappelle que Tony Carrera sera en concert. C'est aux Zénith d'Orléans. Vous le connaissez, Tony Carrera. C'est l'idole des Portugais, hein, pour ceux qui l'aiment, qui l'adorent. Avec le partenariat de la radio, c'est le 21 janvier 2022, si tout va bien, hein, aux Zénith d'Orléans. Il y a une jauge où ils peuvent remplir le Zénith? Normalement, il y aura une jauge. Hein. Non. Hein, on sait. Sur un chanteur. Ouais. Fan de femme. Ta femme, elle est fan? Bah, elle est Bah, les femmes, ah, les toi, femmes. Les femmes, ah, les femmes, sont, général, les femmes sont fans. Voilà, en tout c'est l'idole, on va dire l'idole de. C'est le beau gosse portugais. Ah quand oui, même. T'as vu son fils? Non, lui, ça c'est le père, je te montre le père. J'ai pas le fils sous les yeux, mais le fils, c'est le beau gosse aussi. C'est la fabrique à beau gosse, quoi. Ah voilà, c'est une fabrique. Il chante bien en plus. Ah oui, il chante bien, ouais, ouais. Bon, il a des belles chansons d'amour, il a des belles chansons, moi j'aime bien. Et j'irai le voir. Ben, on est partenaires, j'espère qu'on aura des places. On aura des places, tu prends Laurenceau pour y aller, nous, on aura des places? Ouais. Oh, on va y aller, on va y aller avec Stéphanie. Moi, je vais l'emmener dans les loges. Hein. Moi, je vais le voir dans les loges. Hein. Je vais faire l'interview en portugais. Hein. Ça va être limité. Hein. Je vais dire bon dia, bon dia, calaï. Et c'est mort. Ah non, si je dis calaï, il va me virer. Non, je dirais bon dia, Tony. Tout au bang. Voilà, super. Voilà. Ah ben, voilà. C'est l'interview en portugais. Pas merci. De problème. Au revoir. Et voilà. On va laisser faire ceux qui savent. Hein, voilà. Non, je laisserai les professionnels du Portugal. Moi, je suis pas du tout. Alors, j'ai une anecdote vite fait à vous raconter. C'était hier soir. Ça s'est passé. J'étais dans un resto. Hier où je bosse, où je suis, et alors un truc de fou, hein, il y a quatre amis qui viennent que je connais pas, enfin quatre amis que tu connais, des amis que tu connais pas, non mais des amis que j'ai aperçu comme ça, et ils viennent avec une dame que je connaissais pas du tout, et je suis là, et puis la fille elle me dit je prends une commande machin, elle me dit vous êtes pas le matin sur la radio arc-en-ciel vous, comme ça direct avec la voix, tu sais, avec la voix de merde que j'ai, bah dit ah ouais, ouais. T'aurais été là, mais ils auraient dit pareil. Bah, ils auraient dit pareil, parce qu'avec ma voix, qui est une très jolie voix particulière, ouais, ouais, on la bien, reconnaît. Ouais, ma voix est reconnaissable, évidemment. Voilà. Et donc, elle m'a dit ça. Mais moi, j'étais surpris, quoi. Elle m'a dit, bah oui, ouais. Donc, je lui ai offert un autocollant, la radio, je lui ai collé dans le dos, quand elle est partie. Ça se roule encore au boulot ce matin. Bon. N'importe quoi. C'est Tony, merci. Je te prépare une rubrique exprès pour toi vendredi prochain. Ah là, oula, ça va être du lourd. Avec Sandy. Sandy. Avec Sandy, et ça va pas être du lourd avec Sandy. Non, parce que, sérieux. Mais pour toi, je vais avoir un truc exprès. Lourd. Parce que je vois que régulièrement, tu veux faire le tri dans tes amis, donc justement. Ah ouais, en ce moment, j'en fais du tri. Hein. Donc oh je vais t'orienter un peu. J'ai deux, trois trucs pour bon, toi. Bon, bah, Laurenceau, il arrive parce qu'on est là-bas, il est 9h. Bon, allez, hop, salut hop, la famille, salut ciao, Stéphanie, ciao, merci. Bisous, bisous. Bisous.